je passe, on voit trembler le plus fort. Celui qui me fixe est un homme mort. Je sème par tous les froids. Vous pouvez parler de moi, on vous répondra l'amour et moi. Terrible Herman, terrible Herman, bondir redouté, on craint sa férocité. Il triche au poker en jouant du revolver. En vérité, avec fierté, il est bien porté le nom qu'on m'accorda. Je l'ai bien mérité par ma témérité. Je suis la terreur du Canada. Je casse un sou comme un rien dans mes doigts. D'un coup de charret, je peux sauter sur le toit. Je prends 10 hommes à la fois et je les casse comme des noix. Oh, si tous les gens disent de moi, terrible Herman, terrible Herman, on dit redouté, on craint sa férocité. Il triche au poker en jouant du revolver. En vérité, avec fierté, il est bien porté le nom qu'on m'accorda. Je l'ai bien mérité par ma témérité. Je suis la terreur du Canada. Terrible.